Le bulletin de sport local et régional de Danny Veilleux. Une commandite de votre magasin local et régional Canadian Tire de Dolbeau-Mistassini. Le printemps est à nos portes et pour vos besoins d'articles printaniers, c'est Canadian Tire du 1751 boulevard Vézina qui est l'endroit idéal. Surveillez la circulaire chaque semaine pour les différents spéciaux et magasinez en ligne au canadiantire.ca. Bonjour tout le monde, Danny Veilleux, le bulletin de sport complet de l'édition du 16 mai. On va ouvrir le bulletin de sport local et régional d'abord en parlant d'une nouvelle dans la Ligue du lac au fleuve. L'équipe de Wendake qui va rentrer dans la Ligue la saison prochaine a annoncé la signature de Donald Brashear pour la prochaine saison. Brashear a joué son dernier match avec une ligue organisée avec l'Assurantia de Thetford Mines dans la Ligue nord-américaine et il a joué avec 1085 matchs. Dans la Ligue nationale son dernier match remonte à 2009-2010 alors qu'il évoluait avec les Rangers de New York. Il y avait une conférence de presse hier à Saint-Félicien où on annonçait évidemment les grandes lignes de la Corporation Vélo. Évidemment, c'est les régates de Saint-Félicien et également des compétitions de vélo qui sont organisées par le club Vélo 2 Max. Donc, la 14e édition des régates de Saint-Félicien aura lieu le 21, 22, 23 et 24 juin. Et bonne nouvelle, on s'est associé cette année avec des gens qui adorent le country pour faire un festival country. Et Régent Côté salue évidemment l'initiative et selon lui, ça pourrait apporter beaucoup de monde et les deux organisations pourraient être gagnantes. C'est en parallèle, hein? C'est un groupe, un autre comité à part d'une autre. Ils sont cinq personnes dynamiques. Puis on s'est tous parlé, on a arrimé nos affaires, chacun de nos côtés, pour en arriver que c'est eux autres qui produisent l'animation de spectacle en soirée. Ils se produisent même de jour et de soir, là. C'est un beau gros programme de leur côté. Et puis on sait que les gens ici aiment ça le country. Fait que cette année, je dis. Dans un deuxième temps, Régent Côté mentionne évidemment que ça ressemble considérablement aux autres années, le nombre de classes et ainsi de suite. Oui, ça se ressemble d'un an à l'autre. Quand il y a un changement, exemple, une équipe se désiste, elle est remplacée par une autre équipe de coureurs, mais souvent les embarcations sont les mêmes. La mécanique change d'une équipe à l'autre. Les autres se doivent de mettre la mécanique à l'intérieur des embarcations. Mais c'est du semblable, c'est la quantité est limitée. Et puis s'il y a une classe de 24 embarcations, après 24, il y a une liste d'attente et puis c'est complet pour l'année qui amène 24. OK. Donc c'est il y avait un projet il y a quelques années d'avoir une équipe locale. Les régions Côté mentionnent que c'est très difficile de mettre le projet à terme. Difficile. Ouais, hein? C'est difficile parce que s'ils veulent suivre le circuit. À l'inverse, eux autres, ils trouvent ça loin de venir ici une fois. Fait que si on a une équipe de la place qui s'en va les trouver les 8 autres fois où ils se produisent dans le fond des États-Unis puis ces choses-là, ça prend un budget épouvantable. Et puis, de partir à zéro puis de s'insérer dans l'équipe, comme je disais, il y a des classes limitées en quantité, fait qu'ils seraient sur une liste d'attente. Fait qu'ils peuvent pas se dire investir sur un bateau, mettre de l'argent là-dedans, puis tomber sur une liste d'attente qui peuvent être un an, deux ans sans avoir de place. Oui, effectivement. Il y a combien de... On parlait de deck hockey maintenant. Il y avait des matchs qui se déroulaient hier à Saint-Prime. D'abord, un match qui s'est déroulé. Les Eagles ont défait les Kids par la marque de 4 à 2. 3 buts de Jean-Daniel Beaupré pour les gagnants et un but de passe pour Titi Lavoie. Maintenant, les Boys ont défait les Young Guns 4 à 0. À noter que dans le match, 2 buts de passe pour William Langlais. Victoire très facile des Beavers 11 à 2 sur les Vikings. Dans le match, notons 5 buts pour Cédric Mondeau, 3 buts de passe pour Kevin Gagnon et 2 buts pour Régis Langevin. Et la réplique pour l'équipe perdante, c'est Mathieu Tremblay qui a été le meilleur avec une récolte de 2 buts. Les G-Tonics ont fait les Knights par la marque de 6 à 2. 4 buts, une passe pour Mathieu Sergerie dans la partie. Et pour les perdants, Frédéric Dumais et Charles Tremblay ont marqué les buts. Et je termine avec les Gaillards de Jonquin qui ont tenu leur pré-camp la semaine dernière, leur camp printanier. L'entraîneur François Laberge a bien aimé ce qu'il a vu.